Fallait qu'on parle fort, qu'on fasse honneur à tous nos sales forts. L'encre est dans le chargeur, je viens shooter les castafiores. Moi je prends castafiore, je serai jamais perdant. C'est même un privilège faire du sort les emmerdants. C'est le département, nouveau débarquement. Trop longtemps attendu, retranché dans nos appartements. On a plus le temps, nous on fournit la bombe. On appelle ça une renaissance, toi t'appelleras ça un street album. Écrit à l'encre rouge, comprends les images. Y'en a qui veulent qu'on bouge, préférer qu'on soit des primates. Normal qu'on les primale, même pas en parler de liberté. Y'a plus de cœur dans notre haine que dans la vérité. On fout le feu à quatre, mais on est plus que ça. Donc cherchez pas à nous abattre, on est plus que ça. On parle plus que ça. Nos seuls guns, c'est nos sales gueules. Envoie les watts pour que la sale gueule. Éclair s'éteint, nos voix font apparaître la révolte. Prêt à presser sur la détente, l'encre est chargée dans le révolte. Lyrique sans rafale, loin de faire dans le grenaille. On vient amorcer la grenade, c'est trop tard pour flipper qu'on a. MC aux sales têtes, traînant de sales terres. On vit qui pousse à écrire de sales textes avec de sales têtes. Préviens la phrase, papa, ça vient du trêve. Y'aura pas de trêve, ici y'a pas de trêve, y'a du rap de toujours trêve. La même gamberge depuis le jour où on a pris les armes. Depuis le premier texte, depuis le premier drame. Les 107 ans, c'est le chétan qui aurait pris nos âmes. Vas-y, lève ton majeur, l'encre est dans le chargeur. Pour terre et autour, frère tard, pour un jour, frère tard, pour toujours. Maintenant c'est à notre tour, c'est à notre tour de voir la vie dans toute sa largeur. Vas-y, lève ton majeur, l'encre est dans le chargeur. Fiché à la balistique, et nous parle en brigade du rap banditisme. Faut se faire une place sur le grand banditisme. C'est l'homicide, vas-y, apprécie le missile. Pour le nord, est, ouest et pour le domicile. Toujours autant un tien signe, on vient cartonner la cible. Après ça, c'est la peine maximale qu'on sera passible. On vient braquer vos tempas avec du lourd. Tant pis si t'aimes pas, l'impact vient des zones sensibles. C'est peut-être la seule balle, faut pas tirer dans le vent. Je viens dire qu'on a mis tout ce qu'on avait dans le vent. On attaque notre heure sonne, sans l'aide de personne. C'est ce qu'il faut faire si l'album en prétend le vent. Mais on est conscient qu'on peut encore plus donner. Faire ce qu'on fait, c'est-à-dire entendre cet opus donné. On serre les coudes en avançant tous ensemble. C'est le code de l'honneur quitte à finir tous ensemble. L'encre est dans le chargeur, c'est le street album. C'est quatre membres en sueur qui veut sortir de la bombe. C'est fait par passion, tant pis s'il y a des tensions. Et sans prétention, les frères finissent en détention. C'est la vie qu'on mène. Qu'on te dévoile, trop sincère comme les sœurs qui veulent pas ôter le voile. Faut pas se mentir, pas là pour se pervertir. Si mes frères tirent, c'est Beretta qui vient t'avertir. Toujours la même gamberge depuis le jour où on a pris les armes. Depuis le premier texte, depuis le premier drame. Les 107 ans, c'est le chétan qui aurait pris nos âmes. Vas-y, lève ton majeur, l'encre est dans le chargeur. Pour nos terres et autour, frère tard, pour un jour, frère tard, pour toujours. Maintenant c'est à notre tour, c'est à notre tour de voir la vie dans toute sa largeur. Vas-y, lève ton majeur, l'encre est dans le chargeur. Toujours la même gamberge depuis le jour où on a pris les armes. Depuis le premier texte, depuis le premier drame. Les 107 ans, c'est le chétan qui aurait pris nos âmes. Vas-y, lève ton majeur, l'encre est dans le chargeur. Pour nos terres et autour, frère tard, pour un jour, frère tard, pour toujours. Maintenant c'est à notre tour, c'est à notre tour de voir la vie dans toute sa largeur. Vas-y, lève ton majeur, l'encre est dans le chargeur.